un bateau pour pleurer, des larmes entoilées au large sur la mer. Un chaland pour de bon qui ramène du charbon noir comme un soir d'hiver. Un simple canoë qui descend la vallée sur un torrent d'écume. Rien qu'une coquille de noix qui ne ramènerait de moi qu'un vague souvenir posthume. J'ai tant rêvé, je suis parti, mais si je n'ai pas bougé d'ici, c'est que l'aventure m'a fait faux bond. Quand elle est venue au rendez-vous, elle avait les cheveux si roux que je l'ai couchée sur une chanson. Elle est partie au petit jour, je dormais d'un sommeil si lourd que je croyais à l'avenir. Et puis je me suis réveillé, la chambre sentait le café qu'elle m'avait fait avant de partir. Au port, il y a des marins, la bière et des putains, des pianos mécaniques, des bruits particuliers qui vous font voyager comme les sirènes antiques. J'y ai cherché longtemps, sous les rires des clients, ma rouquine de voyage. Et puis je suis parti chercher dans d'autres pays la trace de son sillage. J'ai tant rêvé de la revoir un jour, que le temps m'a paru trop court et que mes cheveux ont pris de l'âge. Bien des couteaux ont sur leurs lames un peu de mon sang, un peu de mon âme. Mes yeux ont vu bien des visages. Maintenant je suis vieux et je sais bien qu'il ne m'arrivera jamais rien, que l'aventure m'a fait faux bond. Quand elle est venue au rendez-vous, il y a si longtemps, rappelez-vous, je l'ai couché sur une chanson. La, la, la.